français au lieu d'heure y perdue. Ce pouvoir en cassation l'alien recherche le futur. À nos moments perdus, s'emboule et se déborde. Le ciel y est tendu, la clé est sous la porte. À nos moments perdus, s'emboule et se déborde. Le ciel la clé est sur la porte. Descends dans ces reconnaissances. Ne lâche rien, n'y change rien. Enflammés dans les puissances, comme un torrent diluvien. À nos moments perdus, sans moule se déporte. Le ciel tendu, la clé est sous la porte. À nos moments perdus, s'enroule et se déporte. Le ciel y est tendu, la clé est sur la porte. La yeah.